Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre émission spéciale rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et ce soir, ça va être une spéciale bruit industriel. J'avais écouté Test Debt, un super méga groupe des années 80, du tout début de l'Indus. Et je me suis dit, ça valait le coup peut-être de faire une émission à ce sujet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en piochant dans la discothèque, j'ai réussi à trouver une grosse sélecta sans passer un seul morceau de Test Debt. C'est un peu bizarre, mais. Et vous aurez plein de choses agréables hein, quand même. Anstrengung de Neubauten, Finglas, Club Divé, Club Moral, et encore plein d'autres. Hein, je vais vous en. Et les fameux aussi Nine Inch Nails, étant donné. Hein, bref, plus de 2 heures et demie de bruit pour certains et de musique d'avant-garde pour d'autres. Allez, c'est parti! Thank you. le peintre du sordide et du fétide. Bah, c'est toujours, même moi, quand j'étais plus jeune, je suis allé à Belgrade le 25 mai, plutôt comme jeune photographe, artiste, pour participer dans une grande manifestation à la stade Armée yougoslave. Mais ici, il y a toujours, il a fait souvent beaucoup de photos avec les jeunes, avec les pionniers, avec les sportistes, avec tout le monde. Alice est celle qui va toujours dans les deux sens à la fois. Le pays des merveilles, Wonderland, est à double direction, toujours subdivisée. Elle est aussi celle qui perd l'identité, la sienne, celle des choses et celle du monde. Dans Sylvie et Bruno, le pays des fées, Fairyland, s'oppose à lieu commun, Commonplace. Alice subit et rate toutes les épreuves du sens commun, l'épreuve de la conscience de soi comme organe, qui êtes-vous ? L'épreuve de la perception d'objets comme reconnaissance, le bois qui se dérobe à toute identification. L'épreuve de la mémoire comme récitation, c'est faux du commencement à la fin. L'épreuve du rêve comme unité de monde, où chaque système individuel se défait au profit d'un univers dans lequel on est toujours un élément dans le rêve de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas appartenir au rêve d'une autre personne. Comment Alice aurait-elle encore un sens commun n'ayant plus de bon sens ? Thank you. don't get lost on Nuremberg Hills. L'attrait exercé par les traitements algorithmiques tient à leur rapidité, à leur efficacité et à leur apparente objectivité. Comment se passer d'un outil qui nous dispense d'un travail long et fastidieux et nous évite d'avoir à fournir des justifications? Pourtant, cette préférence pour l'efficacité a un prix car elle se déploie au détriment de la dignité et de la justice. Thank you. Thank you. Donc pour l'instant, on ne peut pas rentrer, personne ne peut rentrer. Donc c'est une grande façade en briques rouges avec le numéro 156, donc au quai des usines, avec une grande porte comme ça, fermée. culture. Angel with iron wings. I see you walking slowly in the deep blue of a silver lit twilight. I hear only the murmur of crushed grass. And the broken crystal noise of your wings splitting the sky. Splitting the sky into little flat pieces. Words of blood. Words of blood. Words of blood have lost their pictures. Separated. Separated. Flattened. At last, at last, at last. Life offered you a golden mask. At heart, you play with stars. You play, display so perfectly my secrets by gentle movements of your hands. By now, speak to me, speak to me in four voices, each with its own tongue, each hungry and hungry, hushed. Giving lips, and splitting the sky. In reverie you chose to flex. Space rolls, grinding, huge. Malformed porcelain splinters, cracked desire. Broken blood, hull, skull, hull. Skull, numbskull, the engine never stops, the machine engine, the engine never ends its humming. Splitting the sky. And it is true. It is. It is. It is. Imaginary time, divine intervention, penury, at last, At last, angel with iron wings, whose presence turns vertebrae to snow. Accept my life as water, that it might flow. Everywhere it sings, splitting the sky. At last. Might I be blessed to tell, replenish space, and purge with fire? Swim through the well, retrieve my answer, my spiritual desire, splitting the sky. At last, this golden mask. No, son. Yes, you. No, son. Yes, you. No, son. Yes, you. No, son. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Yes. You may play with the stars. May say this scars at last. At last. Pourtant, à l'heure où l'Irlande, en quête d'une redéfinition de son identité nationale, semble entrer de plein pied dans la modernité avec la légalisation du mariage pour tous en 2015 et la victoire du oui au référendum sur l'abrogation du 8e amendement de la Constitution interdisant l'avortement, annoncé le 25 mai 2018, il semble pertinent de commémorer cet anniversaire en revenant sur l'histoire de ces institutions conventuelles. Si elles ne furent certes pas, à proprement parler, une invention irlandaise, elles restent néanmoins l'un des éléments phares de ce que l'historien James Smith a appelé « Ireland's Architecture of Containment », l'architecture de l'endiguement en Irlande, un système d'invisibilisation des groupes vulnérables de la société, au sein duquel on trouvait également des institutions pour enfants, industrial schools, et des maisons maternelles, mother and baby homes, ces dernières ayant défrayé la chronique ces dernières années, avec la découverte de centaines de squelettes de bébés sur le site de Tuam. Thank you. Oh, Comment ce système, qui n'était pas à proprement parler une invention irlandaise, est-il devenu, après l'indépendance, l'un des piliers de l'ordre moral du nouvel État libre ? Pourquoi a-t-il fallu attendre les années 1990 pour que le voile du silence soit finalement levé et que le pays ressente l'onde de choc provoquée par les innombrables révélations et scandales ? Et quels sont à ce jour les dispositifs mémoriels qui garantissent un rempart contre l'oubli ? De toutes petites ampoules suspendues pour toi qui observais le ciel tous les soirs. Pas des étoiles ordinaires. Pas des étoiles ordinaires. Ensemble, on découvrait dans un fossé un minuscule aéronef, une lampe de poche reliée à un ballon dégonflé. Sur la plaque de carton, j'ai lu Pilvarta. Fin 82, début 83. Watch this! Thank you. Cette rumeur suit, à travers de multiples variantes, un même scénario. Un mystérieux personnage à bord d'une voiture distribuerait des offrandes de viande et d'argent qui tuerait ceux qui les acceptent. Dans certaines versions, le colis suspect contiendrait de la percale, un tissu de coton blanc utilisé comme linceul dans les enterrements musulmans. Une étude de la presse écrite montre que la rumeur est sans doute partie des grandes villes, Dakar et Saint-Louis, pour se diffuser vers les campagnes et qu'elle est passée par le bouche-à-oreille sur les places ou les marchés, les conversations téléphoniques, les SMS et la radio. Elle dégage aussi des premiers niveaux de réflexivité puisque les journalistes de presse écrite, comme les ethnographes, mais avec de tout autres contraintes de publication, cherchent à la fois à susciter la curiosité de leurs lecteurs et à analyser le phénomène social en jeu, ce qui les conduit à adopter sur la rumeur un mélange de scepticisme et de fascination, visible dans l'écart entre le titre et les sous-titres de leurs articles. We'll be right back. The Booger Sleeve of Success. Thank you. je n'attends pas à ce que tu me reconnaisses, toi, puisque moi-même, je ne te reconnais plus. Donc, quand on enlève à une autorité son autorité, on ne cherche plus à être connu, on n'attend plus à un laisser-passer. Et ça, ça a vraiment créé un moment de clivage. Le vrai éclatement s'est passé à ce moment-là. Et à partir de là, il a fallu pas mal de temps pour que les choses se tassent et qu'on comprenne qui a survécu à cette guerre et qui a gagné la guerre. Tout le monde est un peu perdu, comme toujours. Contact of these different forms become very important. For example, rotational movement and alternation at the same time. Would you hit somebody? If they hit me first, I would. There is one sound which is practically the result of a whole process that has happened before. It shoots down to 6.5 octaves, breaks through the barrier of perceptibility where pitch becomes rhythm. As a matter of fact, it's incalculable. I don't think anybody has any perception, including myself, of the power of television. And this sound that is the result of a process then is the beginning of another process, so that one follows another in a very organic way. Are these things more or less important than television? What makes people behave violently? avec la complicité de notre journal national qui s'appelle L'Équipe, a essayé de le chercher. Et c'est grâce à des journalistes, ils l'ont trouvé, ce pauvre. Il était chômeur. Thank you. honte de revenir dans le village, j'avais honte de retourner à l'école le lendemain. Je ne suis pas allé à l'école non plus le lendemain, je suis allé dans une ferme en cachette des cultivateurs, j'ai pris des œufs, j'ai mangé des œufs comme ça, et puis j'ai traîné à gauche, à droite. La honte, la honte, la honte.